Chouette, vous écoutez Baleines et Dragons, le podcast où on se plonge page à page dans Beowulf, ce poème étrange rescapé du Nord ancien. Enfilez un bon gros pull et versez un trait ou deux d'hydromel dans vos thermos. On vous emmène sur des pages agitées où cheminent les baleines. Bonjour Laure. Salut Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 0 de Baleines et Dragons, le podcast où on se plonge page à page dans Beowulf. Beowulf, ce poème étrange, en vieil anglais, est rescapé du Nord ancien. Beowulf, ses voyages en mer, son dragon, ses scènes d'affrontement surnaturel. Ses grands discours chargés de sous-entendus, son souffle épique, sa profondeur tragique. Ses digressions bizarres, ses généalogies obscures, ses noms imprononçables. Mais ne paniquez pas avec nous, tout va bien se passer. On vous explique dans ce premier épisode ce que c'est que Beowulf et ce que vous allez pouvoir écouter dans les épisodes suivants. Oui, alors ce podcast, bon, pour l'instant, c'est un petit épisode introductif qu'on vous propose pour voilà, justement présenter ce qui va venir après. Donc on va aborder ça en trois points. D'abord, on va présenter ce texte, Beowulf. Bon, on a bien conscience que c'est un texte qui est à peu près inconnu du grand public, surtout en France. Peut-être par certains, par des adaptations qu'il y a pu y avoir en comics ou au cinéma, mais je pense que le poème en tant que tel est quand même assez peu connu. Donc on va le pitcher, et puis on vous fera un petit topo aussi sur son contexte de production, à quelle époque il a été fait, etc. Quand on aura fait ça, bah, nous, on se présentera nous-mêmes. Bon, bah, en gros, voilà, c'est qui ces geeks avec leur Beowulf? Mais aussi, mais pourquoi? Que veulent ces geeks? Et puis, on finira par présenter la structure du podcast pour les 12 épisodes qui viendront, qui suivront ce premier épisode introductif. Eh bien, merci Nicolas. Alors, moi, je vais enchaîner tout de suite en commençant avec le pitch du récit. Donc l'histoire qui est contée dans le poème Beowulf, c'est principalement celle du héros éponyme, le guerrier Go Beowulf, dans deux de ses hauts faits. Sa lutte contre un individu démoniaque répondant au nom de Grendel et son combat contre un dragon. Et ces deux exploits se concluent par des mises à mort, mais le dragon cause également la perte de Beowulf, et ce ver amateur de trésors dorés sera le dernier adversaire de sa vie de bataille. Sauf que dans Beowulf, il n'y a pas que Beowulf, il y a aussi l'histoire d'illustres cours seigneuriales scandinaves qui guerroient et festoient de génération en génération, et les terres et les mers, souvent hostiles, que les braves parcourent. Les aventures de Beowulf, dans ce contexte de glorieux temps reculé et de paysages sauvages, semblent être deux épisodes remarquables qui sont retenus par un narrateur ou un auteur, un poète, dont on sait finalement assez peu de choses. Oui, on sait peu de choses du narrateur et du poème de manière générale. D'où nous vient ce récit pour lequel, qui est assez unique en son genre, on n'a pas de poème équivalent en langue vieille anglaise de cette qualité poétique-là. Alors, il nous est parvenu par un manuscrit qui date de l'environ de l'an 1000. Mais tout indique que ce manuscrit était en fait une copie tardive, voire peut-être même une copie de copie, d'un poème qui a été couché en langue vieille anglaise quelques siècles plus tôt, en fait, hein, quelque part entre les années 650 et la fin du 8e siècle. Pour donner une fourchette, parce que c'est vraiment sujet à controverse, il y a même certaines personnes qui considèrent que il a été composé quasiment à l'époque de l'an 1000. Hein. Donc le vieil anglais c'est quoi? C'est en fait cette langue germanique matinée de latin mais aussi de parler viking qui est l'ancêtre de l'anglais moderne. Pourtant, chose curieuse, le récit se déroule intégralement dans un cadre qui est lointain. C'est le Danemark païen de la dynastie mythique et sans doute imaginaire des Skaldings, c'est-à-dire le 6e siècle selon la datation moderne. Donc en gros, le premier âge du fer des pays nordiques. On est quand même assez loin des rives de l'Angleterre, hein, même s'il y a eu des ponts et des migrations entre ces deux pays durant ces périodes-là. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une composition scandinave qui a migré dans le milieu aristocratique anglo-saxon, ou bien est-ce que c'est une recréation essentiellement anglaise, donc un récit qui justement cherche à être archaïque en recomposant une matière première scandinave plutôt ancienne? Eh bien, la question fait encore débat aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'était selon toute probabilité un récit destiné à être scandé. Enfin, c'est quand même quasiment sûr, hein. Il est composé en vers allitératifs. Donc c'est une forme de versification, mais qui n'est pas de la rime, qui repose plutôt sur la répétition de consonnes, pour créer en fait une sonorité un peu rythmique. Donc par exemple, un exemple de vers allitératif en M, je vous donne un extrait en vieil anglais du poème, « Method for thee mane mancune fram ». Donc voilà, c'est un peu la sonorité M qui va donner un petit peu l'unité du vers. C'est une forme poétique dominante dans le monde ancien de langue germanique, et une forme typiquement orale, qui n'a été remplacée par le vers rimé qu'à la fin du Moyen-Âge. C'est donc aussi la forme d'expression des scalds scandinaves, les ménestrels scandinaves, qu'on croisera dans le récit, qui s'accompagnait généralement d'ailleurs d'un arrangement musical. Mais nous, on n'en fera pas tant, je vous rassure quand même. On va peut-être passer maintenant à ce qu'on appelle un peu notre démarche, nos intentions, qui en fait pourraient être résumées un peu de manière synthétique par notre intérêt commun pour l'écriture. Et à l'origine du podcast que vous écoutez, il y a effectivement un intérêt pour l'écriture de récits, que ce soit pour moi ou pour Nicolas. Et en ce qui me concerne, moi, je fais partie de cette génération d'enfants qui a connu l'accroissement de la littérature jeunesse, et plus particulièrement de ce qu'on appelle à présent les mondes de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a une multiplication de récits qui prennent place dans des univers plus ou moins proches d'une autre, parfois même complètement distincts. Mais ces mondes de l'imaginaire s'inspirent bien sûr de notre monde. Son passé, son futur plus ou moins probable, ses mythes et légendes, ses sociétés et leurs coutumes. Et moi, ce qui m'a vraiment happé à l'époque, et encore peut-être maintenant, même si c'est moins présent, ça a été vraiment l'œuvre de Tolkien. Ses textes d'abord très jeunes, et puis la fameuse trilogie à l'écran du Seigneur des Anneaux et les forums de jeux de rôle vaguement situés en Terre du Milieu, sur lesquels j'incarnais des héros et héroïnes avec un goût adolescent assez douteux. Et ces œuvres-là ont fortement marqué mon parcours de lectrice. J'ai vraiment exploré la littérature médiévale fantastique, mais aussi les mythes et légendes qui l'inspirent. Et assez rapidement, la source m'a semblé finalement tarie en termes de littérature. J'ai pas réellement réussi à trouver, hors des textes de Tolkien, l'équivalent des émotions dont j'y avais fait l'expérience. Et puis évidemment, la vie suit son cours. J'ai fait des études de philosophie, je me suis éloignée de la littérature et de ses interrogations. Et puis on a moins le temps de lire quand on devient un adulte à responsabilité. Et pourtant, les questions aujourd'hui sont toujours là. Ces questions-là, c'est qu'est-ce qui a donné aux textes de Tolkien leur saveur si particulière? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette passion pour le médiéval fantastique? Alors, c'est peut-être quelque chose de très commun, évidemment, mais je me pose la question au moins pour moi. Et comment est-ce qu'on peut se replonger dedans, retrouver un peu ce goût que j'avais pu avoir étant plus jeune? Je pense qu'on est de la même génération, Laure et moi, on est beaucoup de lecteurs qui avons découvert un peu le goût de la lecture aussi grâce à cette littérature fantastique. Et c'est sûr que Tolkien, bon, j'ai un peu le même parcours de lecture que moi étant ado. Mais bon, moi je l'ai relu aussi étant jeune adulte. Puis j'ai essayé de passer un peu à autre chose. Et puis alors je suis retombé dans Tolkien l'année dernière, à cause de Laure, hein. Merci Laure. Je vais vous dire pourquoi à cause, parce que oui, en fait je te parlais des difficultés que je rencontrais moi dans l'écriture de la BD sur laquelle je travaille en ce moment, qui est un peu dans un registre fantastique, ou en tout cas voisin, et donc de l'influence encombrante du Seigneur des Anneaux. Je crois que quand on s'essaye au genre fantastique, on court toujours le risque que la construction de l'univers se fasse au détriment des personnages et du développement du thème du récit, quoi. C'est un travers qu'on trouve dans pas mal justement d'œuvres de fantasy, fantastique, en littérature, en bande dessinée, où vraiment on voit un univers très fouillé, mais au niveau de l'histoire en tant que telle, voilà, ça tombe un peu à plat. Et donc c'est sûr que voilà, Le Seigneur des Anneaux, c'est une très mauvaise influence, parce qu'il faut rappeler que Tolkien, il s'est quand même amusé à écrire des traités de grammaire elfique avant même d'avoir finalisé une histoire avec des elfes, quoi. Donc voilà, moi j'étais un peu dans ce truc d'essayer d'exorciser Tolkien. On était chez toi alors, et puis je te parlais de mes tourments, quoi. Et puis là, tu sors Fairy, donc c'est un recueil de textes courts de Tolkien. Et tu dis, ah, t'as lu Fairy? Et ben voilà, j'ai lu Fairy, et puis c'était super intéressant. Puis c'était reparti pour un tour, quoi. Donc à partir de là, bah, je me suis mis à acheter compulsivement un peu tous les essais de Tolkien. Et puis c'est comme ça, puis donc ces essais, ces traductions, c'est comme ça qu'on est tombé sur Beowulf. Donc Beowulf, ce que je peux dire de l'intérêt de ce poème, peu rapidement, c'est un texte qui est très atypique, parce que c'est un texte ancien. Mais aussi par rapport aux références qu'on a pour cette époque, c'est déjà un texte atypique pour l'époque. Et certaines digressions sont plutôt difficiles à suivre, on n'a pas toujours les références. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'on a tous les deux été frappés par la puissance d'évocation de certains passages descriptifs, mais aussi des dialogues, et puis aussi par la caractérisation assez inattendue des antagonistes. Plus globalement, je crois qu'on peut trouver dans Beowulf une qualité qui est quand même plutôt rare et difficile à définir, mais qu'on cherche en tant que lecteur, qui rend certains récits pas seulement plaisants, ce qui est déjà très très bien, hein, mais aussi mémorables. Hein. Qu'est-ce qui fait que certaines histoires restent avec nous, prennent dans notre paysage mental une place particulière? Bon, c'est un gros, gros point d'interrogation, et je pense qu'en plongeant dans Beowulf, on espère un petit peu remonter avec un petit morceau du trésor. Bon voilà, si c'est une coupette un petit peu dépolie, ce sera déjà pas mal. Bah, venons-en à Tolkien, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais parlons-en pourquoi il y a une sorte de pipeline entre Tolkien et Beowulf, ou plutôt entre Beowulf et Tolkien, si on le reprend dans l'ordre chronologique. Une façon d'explorer les textes de Tolkien, et largement l'imaginaire médiéval fantastique qu'il a largement inspiré et qui continue de croître aujourd'hui, eh bien, ça consiste à s'intéresser à ses sources, aux textes qu'il a lus, étudiés et pour lesquels il s'est passionné. Et le cas du poème Beowulf, qu'en tant qu'universitaire il a traduit et fait traduire à ses étudiants, puisqu'il s'agit d'un texte qui fait partie du canon littéraire classique, on va dire, des études de lettres britanniques. Et Tolkien a également abondamment commenté Beowulf, tant sur des aspects techniques, en lien avec l'exercice minutieux et difficile de la traduction, que sur des aspects plus littéraires. Il a été d'ailleurs un des rares universitaires de son époque à défendre les qualités littéraires du texte que ses pairs vivaient plutôt comme un genre de pinsum douloureux de traduction. Parce qu'il faut bien s'entraîner en pratiquant le vieil anglais, donc on prend toutes les sources qui passent, même celles qu'on considère les plus arides. Donc ses pairs le vivaient à la fois comme un pinsum, plutôt que comme une bonne histoire ou un poème qui serait vraiment agréable à lire. Effectivement, Beowulf a souvent plutôt été décrit, en tout cas à une certaine époque, comme étant rebutant d'obscurité, un genre de fourre-tout décousu avec des longueurs incompréhensibles et qui nous tombe des mains, quoi. Oui, tout à fait, et Tolkien a joué un rôle important dans la revalorisation de ce poème, en fait. Hein. La passion de Tolkien pour Beowulf, elle se retrouve pas seulement dans ses interventions et ses écrits en tant que philologue. Donc un philologue, c'est un spécialiste des documents écrits et de ce qu'ils peuvent nous apprendre sur une langue, son fonctionnement, ses fonctions. Sa propre œuvre littéraire doit beaucoup en fait à ce poème épique. Il a lui-même écrit une version de l'histoire de Beowulf, Selixpel, où il revisite l'histoire de Beowulf en essayant d'imaginer le conte de fées populaire qui aurait précédé à la version épique qui nous est parvenue. Et ses propres textes ensuite, prenant place en terre du milieu, nous font entendre des échos de ce poème, dans les thématiques, les personnages et les intrigues, mais aussi le bestiaire, le style littéraire, les ambiances qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux. Une influence qu'on voudrait aussi mentionner comme étant un peu le point de départ de ce podcast, c'est qu'on a tous les deux écouté un autre podcast qui s'appelle Les Pages du Milieu, qui est un podcast dédié à la lecture des textes de Tolkien entre amateurs passionnés. Et tant son contenu que sa démarche nous ont beaucoup enthousiasmés. C'est entre immersion dans les textes, discussion libre et apport de documentation annexe sur les œuvres. Et en fait, c'est un peu ça qu'on vise à faire à notre petit niveau et en tenant compte des caractéristiques de ce poème sur et avec le texte de Beowulf. Oui, alors ça c'est encore grâce à Laure, mais pour le coup merci Laure, merci pour les pages du milieu, parce que pour moi c'était vraiment la poule aux œufs d'or de découvrir ce podcast. Hein, moi je suis travailleur agricole, quand je fais pas des podcasts un peu de niche, et donc voilà, pour ceux qui, des auditeurs qui connaîtraient pas trop ce que c'est que désherber un semis de carottes au couteau, ou qui n'ont jamais épluché une palette entière de poireaux, bah moi je vous le dis, des fois, on est bien content d'avoir des bons podcasts à se mettre sous la main, et on en consomme beaucoup au maraîchage bio. Hein. La candeur, le plaisir de lecture, et l'humour un petit peu des trois potes FX, Julien et Cyril, des pages du milieu, voilà, ont rendu plaisante vraiment des demi-journées monotaches, hein, qui ne promettaient pas forcément d'être... de passer si rapidement par ailleurs. Évidemment, on tient à préciser, pour que ce soit vraiment clair, on est deux amateurs, on a étalé notre rare culture là, à l'instant, dans cet épisode, mais on ne va pas chercher à être exhaustif sur ce sujet, et même si on va essayer de s'appuyer régulièrement sur des lectures académiques, plus ou moins académiques, hein, des fois c'est vraiment de la lecture de seconde main, tout ce qu'on pourra raconter ne sera que le résultat d'un agréable butinage. Toute notre ambition se résume en fait à une envie de partager autour de ce texte, entre nous évidemment déjà, et puis aussi avec celles qui auront envie de monter dans notre barque pour faire un bout de voyage avec nous. Oui, je suis d'accord avec ce programme, hein. C'est vraiment pour nous avant tout un espace récréatif, inclusif évidemment, mais c'est encore, voilà, encore, on est encore dans la fraîcheur de la découverte quand même, hein, puisque à l'heure de cet enregistrement, ça fait même pas 6 mois hein, qu'on a découvert Beowulf. Donc pour nous, il sort tout fraîchement de son an 1000 encore. Et je tiens à ajouter que, ça ne se voit pas là, mais j'ai des montures plus fortes que l'or, mais pourtant, j'ai aucun bagage universitaire, contrairement à l'or. Hein. Il parle de monture de lunettes, bien sûr. Monture de lunettes, oui. Il n'a pas de poney encore. Non. Donc je ferai de mon mieux pour ne pas t'enfermer dans le rôle de la caution savante, malgré ça, mais voilà. Nous ne sommes point savants, même si mon auguste postérieur a essuyé les sièges de l'université de Nanterre. Un petit mot sur la traduction avec laquelle on va lire ce poème et le commenter. Oui, alors on a choisi, en français, on n'a pas non plus tant de traductions à disposition que ça, mais nous avons choisi de lire la traduction de Christine Laferrière pour l'édition du Beowulf de Tolkien et son commentaire, qui était paru initialement chez Pocket en 2015, mais qui ont été réédités cette année, en 2025. C'est donc une traduction en prose, qui renonce à imiter la versification allitérative pour favoriser la fluidité du récit. Le texte de Tolkien, qui est traduit par Madame Laferrière, date de 1926, mais il n'a été édité pour la toute première fois qu'en 2014, pour la version originale, par son fils Christopher Tolkien. Christopher Tolkien qui a dû résoudre un sacré casse-tête avant d'en arriver là. Tolkien a réalisé cette traduction à 34 ans, il était encore tout jeune, mais il a ensuite longuement poursuivi son étude du texte, et il a cumulé un copieux corpus de commentaires, de notes et de réécritures de différents passages. Mais tout ça non daté, et souvent en contradiction avec sa propre version de 1926, qu'il n'a jamais vraiment revisité. Donc le texte de l'édition de Christopher Tolkien, c'est une recomposition du texte de 26, qui intègre du mieux possible les corrections ultérieures de son père. Donc un petit mot sur la traductrice française. Christine Laferrière, c'est une spécialiste du vieil anglais, de l'anglais médiéval et de la langue tchèque. C'est aussi la traductrice de Toni Morrison. Sa traduction de Beowulf, c'est donc une traduction basée sur la version anglaise que Tolkien, quoiqu'elle ait certainement dû, donc sur la version anglaise de Tolkien, pardon, même si je pense qu'elle a dû se référer aussi au texte original en vieil anglais, puisqu'elle connaît cette langue. Nous avons choisi de rester avec Tolkien, malgré qu'il y ait d'autres éditions françaises plus récentes, parce qu'après tout, c'est par lui que nous sommes arrivés à Beowulf. Et puis, cette édition, c'est de loin l'édition française la plus facile à trouver en librairie. La compréhension du texte a évolué depuis 1926, mais pas au point de rendre sa traduction inactuelle. En plus, on trouve que l'adaptation française de Madame Laferrière est d'un très bon style. Elle est fidèle au parti pris de Tolkien, mais très fluide et très inventive par ailleurs. La structure des épisodes, tu vas nous en dire un mot peut-être, Laure, pour commencer ? Tout à fait. Donc, chaque épisode de podcast va commencer par vraiment une immersion dans le texte que nous parcourons, donc le Beowulf, tout simplement dans l'ordre du début à la fin. Après avoir avancé dans le récit en alternant entre lecture de longs extraits du poème et résumé de certains passages pour aller plus vite, on va avoir un moment de commentaires discutés, donc ça va être nos impressions en tant que lecteurs qui seront agrémentées de quelques informations un peu plus savantes glanées ici et là, dans nos lectures respectives d'articles et d'ouvrages plus ou moins universitaires. Donc voilà, un moment d'échange un peu libre après la lecture. Donc nous avons en fait découpé le poème en 12 parties de longueur à peu près équivalente, qui nous feront 12 épisodes pour ce podcast. On a fait cette découpe en cherchant à respecter autant que possible la structure dramaturgique du récit dans nos césures. Afin que les lectures et les échanges qu'on nous aurons ensuite tiennent dans des épisodes d'une durée convenable, on se permettra de légères abréviations et quelques coupes discrètes, mais quand même sauvages dans certains passages, qui ne seront pas forcément précisés, voilà, pour ne pas alourdir le podcast. Si vous voulez en savoir plus sur certains passages qu'on pourrait couper, genre la généalogie de tel Danois antique, ou la liste complète des récompenses que notre bon Beowulf va accumuler à l'issue de ses prouesses, ben, on vous recommande le livre, qui est finalement assez facile à trouver en librairie. Dernière chose... Oui, nous insérerons dans cette partie commentaire qui suivra la lecture, on aura chacun une petite rubrique qu'on animera à chaque épisode. Moi, pour ma part, je ferai une rubrique dédiée sur quelques mots du vieil anglais récurrents dans le poème qui sont intéressants parce que évocateurs ou qui sont l'objet justement de diverses interprétations par différents auteurs. Pour ma part, je vais alimenter une rubrique qui sera dédiée à ce que j'appelle les échos de Beowulf dans les productions artistiques postérieures au poème. Donc ça va être un peu varié, des chansons, peut-être des pièces de théâtre, des films, des bandes dessinées, d'autres poèmes, qui sait, moi je ne sais pas encore. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive à la fin de cet épisode introductif qui était une très longue introduction, tout à fait contre notre gré. Évidemment, la prochaine fois, on va vous proposer d'entrer dans le poème pour de bon, directement, on va pas traîner. Donc si vous avez le pied marin, c'est bien. Si vous avez de bons contacts à la cour danoise, c'est encore mieux. Eh oui, rumeur flippante d'une halle maudite. Départ à l'aventure casques au vent. Battle de rhétorique sur plage de sable, on vous embarquera pour le premier épisode de Beowulf, en route vers la halle dorée. Eh bien, Nicolas, à bientôt pour le premier épisode.